Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brayer-Otto. Markem.archive.org. D'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 8. Septième douleur. La sépulture de Jésus. Les ombres du soir tombaient rapides et silencieuses autour de cette mère, assise au pied de la croix, tenant sur ses genoux la tête couverte de son fils inanimé. La terre même est accablée sous le poids de ce jour si fécond en événements. Les animaux étaient fatigués après la terreur de l'éclipse, dont ils avaient pris les ténèbres pour celle de la nuit. Les bêtes se réfugiaient dans leurs repères. Les oiseaux restaient perchés sur les arbres, et les lézards allaient se reposer dans les crevasses des rochers. Les hommes eux-mêmes étaient épuisés par le péché et par l'activité impétueuse de leurs mauvaises passions, tandis que le petit nombre des fidèles éparpillés, qui composaient l'Église, était accablé par la honte, la crainte, la douleur et l'agitation de pensées accumulées. Les sons bien connus de la nuit commençaient à succéder aux bruits plus aigus et plus fréquents du jour. Il régnait dans le cœur de Marie une nuit divine, plus dorée que les dernières lueurs de l'astre disparu, qui semblait s'être couchée avec plaisir après la fatigue d'une telle journée. Marie se repose un moment avant de rappeler toutes les forces de son être pour faire face à sa septième et dernière douleur. C'était un poste étrange qu'une mère pût choisir pour son repos, le pied même de cet arbre cruel sur lequel son fils était mort, et qui était encore humecté de son précieux sang. Cependant, c'est précisément au même endroit que, avec un instinct semblable à celui de Marie, les affligés de 18 siècles sont venus se reposer, et trouver la paix, quand il n'y avait nulle paix, au moins pour eux, dans aucun coin de la terre. C'est un lieu d'enchantement, depuis que Jésus a été attaché et que Marie s'y est assise. Là ont été séchées des larmes qui avaient semblé ne pouvoir jamais cesser de couler. Là ont consenti à vivre des cœurs qui, peu de temps auparavant, voulaient mourir. Là, la veuve a trouvé un autre époux, un époux céleste. La mère y a retrouvé les enfants qu'elle avait perdus. Les orphelins y sont allés dans les ténèbres, et quand ils eurent cessé leurs sanglots, ils se sont trouvés entourés dans les bras de leur nouvelle mère Marie. Là, des milliers de cœurs ont découvert combien il était bon d'avoir le cœur brisé, car la déchirure de leur cœur leur faisait voir Dieu. Assise sur le sommet de la colline et portant le Christ mort sur ses genoux comme sur un trône, Marie a laissé après elle un héritage inépuisable de bénédictions à toutes les générations, en attachant à leur félicité la condition de résider sur le sommet du calvaire. Ce n'est donc pas pour elle-même, mais pour nous, qu'elle s'assit et se reposa en ce lieu. Mais le temps était venu, et elle invita avec calme et recueillement les disciples qui étaient alentour à former le cortège vers le tombeau. Il y avait Joseph d'Arimathie et Nicodème, Jean et Madeleine, les saintes femmes qui étaient venues auprès de la croix, quelques-uns des fidèles serviteurs de Joseph et de Nicodème, et à ceux-ci s'ajoutait alors le centurion converti qui, au moment de la mort de notre Seigneur, avait confessé qu'il était le Fils de Dieu. Peut-être aussi quelques-uns des apôtres et des autres disciples étaient-ils en ce moment, comme quelques saints l'ont supposé, rassemblés autour de la croix. Il semblait triste de mettre fin à une si belle scène de douleur sublime, mais il était temps d'accomplir l'Écriture. Avec un héroïsme calme, mais non cependant sans subir le plus cruel martyre, Marie céda le trésor qui était couché sur ses genoux. Quelle autre qu'elle-même avait le droit de toucher le corps de Jésus? Ah, Mère bien-aimée, vous savez que nous avons tous maintenant ce droit, il est devenu la propriété du monde, l'héritage des pécheurs, et vous êtes vous-même la Mère universelle. Ce nom qu'anciennement le pauvre païen donnait à la terre, vous le réalisez pour nous, et au-delà. Mais après avoir porté Jésus en Égypte, ne devez-vous pas le porter au tombeau? Non, Mère affligée, Dieu vous a donné miraculeusement de la force afin que vous puissiez souffrir, mais il ne vous la donnera pas pour faire ce qui soulagerait vos maux. Il y a cet autre Joseph dont le regard de vénération et d'amour vous a suivi pendant les deux derniers mystères de votre douleur. Lui et Nicodème porteront le fardeau, tandis que Jean et Madeleine les accompagneront. La foule grossière n'interrompit pas le silence de cette merveilleuse procession, elle s'était retirée depuis longtemps de cette colline sacrée, comme le reflux de la mer. Le tremblement de terre avait calmé un grand nombre de cœurs, que la possession diabolique avait rendus insensés le matin. La cité populeuse avait assez à penser à elle-même. Car il y avait eu aussi dans les rues de Jérusalem des processions, d'étranges processions, propres à faire rentrer les hommes dans leur demeure, pour s'y renfermer, parlant bas et pensant à Dieu. Une ombre de tristesse voilait tous les cœurs. Les morts avaient marché. Le tremblement de terre avait ouvert les tombeaux et en avait réveillé les hôtes, et, comme ces préludes impatients, qui souvent nous indiquent d'avance une œuvre divine, il y avait eu une résurrection avant le temps. Les vieux saints de la Judée, les morts des vieilles générations avaient parcouru la cité et y avaient été vus d'un grand nombre, avec leurs visages majestueux et menaçants, et terriblement éloquents dans leur silence. Le souvenir de ce jour était suspendu comme la froide pierre du sépulcre pour l'âme de plusieurs. Pour d'autres, c'était un feu actif et brûlant, avant-coureur d'une grâce de conversion. Un grand nombre pleurait, un plus grand nombre était triste, tous étaient fatigués, assombris et accablés d'une terreur divine. L'enfer avait, durant cette matinée, allumer un volcan parmi le peuple. Maintenant, ce volcan était éteint, et, dans un grand nombre de cœurs, la nature humaine, si violemment bouleversée, pouvait à peine retrouver sa place. Du côté de la cité, il n'y avait donc nulle interruption à craindre. La cité s'attristait sur elle-même, tel qu'un oiseau désolé au-dessus de son nid qu'une main cruelle a rendu vide. Il semble que les trompettes de Titus retentissaient déjà dans ses murs, et qu'une oreille de prophète eût pu les entendre. Pauvre Jérusalem, il y a longtemps que Dieu t'aime, et qu'il t'aime d'une tendresse mystérieuse, mais la déloyauté de ce jour a comblé la mesure, ton sort est décidé et va bientôt t'atteindre. Du sommet de cette colline que noircit le sombre crépuscule, on porte à son tombeau le corps de ton roi rejeté. Quelles formes et quelles ombres terribles d'histoire, de prophéties, de mystérieux décrets divins se rassemblent au milieu des ténèbres, comme les bannières flottantes de cette procession sacrée. Est-ce là que devait aboutir la création, avoir un petit nombre de créatures fidèles portant le Créateur mort à une tombe taillée, dans le roc, et une mère mortelle qui compte moins de 50 années, menant le deuil comme la mère véritable de l'Éternel? Les anges silencieux sont rangés alentour en phalanges serrées, presque effrayés de leur science, tant le mystère est accablant. Ils viennent de passer sur le tombeau d'Adam, le premier homme, tombeau sur lequel la croix a été élevée. L'âme de Jésus est déjà allée trouver Adam pour lui donner la vision béatifique, et les descendants de ce père des hommes foulent aux pieds son tombeau. sa fille, la seconde Ève, était assise avec le second aidant sur ses genoux. Les os et les crânes des malfaiteurs, indice malheureux du péché, jonchaient le chemin, à demi cachés dans les touffes de gazon fané, ou gisant éparpillés sur l'herbe tendre que les chèvres avaient broutée. Le cortège descend maintenant dans un jardin, un autre Éden, pour y planter dans le roc, un arbre incomparablement plus précieux que tous les arbres de l'ancien paradis. Plus précieux même que l'arbre de vie. Un arbre qui devait dans 3 jours fleurir avec une beauté inconcevable. C'était un jardin où croissait la vigne, où les oliviers laissaient tomber leurs fruits en abondance. Mais le nouvel arbre devait produire un vin plus réjouissant pour le cœur de l'homme que jamais n'en avait exprimé le pressoir du fruit de la vigne, fût-ce même des grappes les meilleures d'Engadi. Il devait donner l'huile comme jamais Olivier n'en avait donné, une huile qui devait guérir toutes les douleurs et être le baume inépuisable du monde. Il n'y avait sur la terre aucune fleur comparable à la fleur flétrie qu'emporta le funèbre brancard, nul qu'on pût y comparer pour la beauté et le parfum, nul qui dût avoir un printemps si beau, après que le soleil se serait couché encore une fois. Ils continuèrent donc à s'avancer vers le jardin, sous la douce lumière de la lune pascale qui s'abaissait à l'occident, comme si c'était une lumière échappée du cœur de Marie, et qui rendit toute cette scène si profondément triste, si tristement belle. Il s'avançait lentement et aussi silencieusement que la nuit dans son cours. S'il avait chanté des psaumes, la cité inquiète aurait pu les entendre, mais, en vérité, y avait-il des psaumes qu'il pût chanter? Même la harpe inspirée de David n'aurait pu produire de son assez doux pour le chant funèbre de telles funérailles. Dans toute cette compagnie personne ne parlait. Qu'aurait-il dit? Quelles paroles auraient pu exprimer leurs pensées? La bouche parle de l'abondance du cœur. Mais il y a des temps où le cœur est trop plein, et alors il ne peut parler. Il en était ainsi de ce cortège. Jamais ombre plus profonde d'affliction n'était tombée sur les hommes, que l'obscurité qui régnait sur la voie du calvaire à la tombe. Dans le seul cœur de Marie, il y avait assez d'affliction pour obscurcir tout un monde. La souffrance humaine n'est pas sans limite, cependant, celle de Marie était alors arrivée sur les limites de l'infini. Il n'y avait plus maintenant qu'un seul sacrifice qu'elle pût faire, et elle était occupée alors à l'accomplir. Ce corps glacé était pour elle plus que la vie, mais elle allait l'éloigner d'elle et le mettre hors de son propre pouvoir, le cacher dans le roc, et laisser les soldats romains venir le garder. Alors, en vérité, elle allait être placée sur le plus haut pinacle de la pauvreté évangélique à laquelle Dieu avait promis de si grandes choses. Elle allait seulement garder pour elle-même ce dont elle ne pouvait se séparer, et dont elle n'aurait pas voulu se séparer si elle avait pu, un cœur brisé, submergé dans des eaux d'amertume plus que ne le fut jamais aucune créature vivante. Il n'y aurait plus eu de joie sur cette planète, si les maux accumulés de Marie avaient été fractionnés et distribués, lors de leur naissance, à chacun des enfants d'Adam. On regarde avec des yeux d'étonnement, et d'admiration, les voyageurs aventureux et ceux qui ont réussi à explorer des terres inconnues. Regardons maintenant Marie, lorsqu'elle ferme le cortège funèbre. Cette femme est une créature de Dieu plus élevée qu'aucun ange dans le ciel. Le trône qui l'attend est une des merveilles de la cour céleste. Elle est aussi pure que les rayons du soleil, et son empire s'étend sur tout l'univers. Les 3 personnes de la Trinité indivisible veulent elles-mêmes la couronner. Mais elle a maintenant exploré tous les vastes royaumes de la douleur. Elle a sondé les profondeurs de toutes les souffrances du cœur que l'homme puisse connaître. Elle avait parcouru d'immenses régions d'affliction que nul avant elle n'avait encore traversées, et où personne ne peut la suivre. Elle a été avec le Verbe incarné dans les abîmes de sa passion, que la théologie n'a jamais nommé parce que les saints même n'en ont jamais imaginé l'existence. Elle a épuisé toute la possibilité de l'angoisse mortelle. Ses douleurs ont dépassé la vaste science des anges, elles ne sont connues que de Jésus et d'elle-même. En ce moment, elle s'approche du terme si voisin de l'infini, la frontière mystique est tout près. Les limites de la souffrance possible, comme celles de l'espace, sont inconcevables. Encore quelques degrés, et Marie aura atteint à ce point indescriptible de la vie humaine. Aurait-on imaginé une souffrance pire pour elle que la vue du corps inanimé du Dieu vivant? Il y en avait cependant une autre qui la dépassait, c'était de se séparer de ce corps adorable et de s'en retourner seule dans le monde, dans une solitude telle qu'aucune créature n'en a jamais connue de semblable. Mais on vient d'arriver à la tombe du jardin, au nouvel Éden du second Adam. Le sépulcre était neuf et taillé dans le roc. Joseph se l'était destiné à lui-même. Mais nul homme ne s'y était encore couché. Tout y était préparé d'une manière convenable, tout y était emblématique. La tombe de ce nouveau Joseph allait être pour Jésus ce que les bras de l'autre Joseph avaient été si souvent, son lieu de repos pour le moment où Marie le quittait. Mais dans ces anciens jours, il n'y avait jamais eu de séparation telle que celle-ci. Marie entre dans la tombe avec Joseph. Ce fut l'aide qu'elle choisit. Les mains de Marie disposèrent tout. Combien elles placèrent doucement la tête de Jésus dans la tombe. Quant à ses bras, peut-être ne se laissèrent-ils pas approcher du corps, peut-être, s'il y eut de la place. Jésus resta-t-il dans le tombeau les bras étendus dans ce vaste embrassement du crucifiement, prêt à recevoir un monde entier de pécheurs? On ne nous l'a point appris. Marie ajuste et dispose le linceul, met ensemble les pieds qui avaient été si cruellement joints pendant 3 heures sur la croix. Elle prend aussi les instruments de la passion, les baise et les dépose dans la tombe. Elle n'apporte à chaque action aucun retard inutile, signe de la faiblesse de l'affliction ordinaire. Tout se fait avec ordre, assiduité et silence. Peut-être fut-ce alors le moment du dernier regard. Peut-être souleva-t-elle le linceul pour voir si, dans quelques mouvements, on n'avait rien dérangé dans les traits vénérables de Jésus. Qu'il devait paraître pâle, à la faible lueur de la torche qui éclairait le sépulcre. Ils étaient clos, 16 yeux dont un seul regard avait converti Pierre. Elles étaient fermées, ses lèvres qui, peu de temps auparavant, avaient proféré sur la croix cette parole merveilleuse, dont le son n'était pas encore éteint pour l'oreille attentive de Marie. Le linceul fut replacé lentement. Et, tombant à genoux, Marie adora pour la dernière fois ce corps inanimé. Assurément nulle angoisse si terrible, nul malheur aussi entièrement surhumain, n'avait encore désolé l'âme d'une créature vivante. Il y a eu dans le monde beaucoup de derniers regards. Bien des tombeaux se sont clos sur des mondes d'espérance et d'amour, enfermant souvent plus de la vie du survivant que la mort n'en avait enlevé à celui qui n'était plus. Cependant, jamais douleur n'approcha de celle de Marie. Elle est unique et sans égale, parce que celle qui pleurait et celui qui était pleuré étaient également incomparables. Peut-être dans aucune des douleurs de Marie, n'y eut-il pas un seul moment isolé qui, par l'accumulation et l'intensité des souffrances, put être comparé à celui-ci. Elle était veuve et délaissée comme nul autre ne l'avait été auparavant, veuve et délaissée dans des conditions inouïes. Que sont un père, une mère, un époux et un enfant, comparés à un Dieu incarné? Être sans père, sans mère, sans époux et sans enfant, ce sont de bien tristes expressions, mais qu'elles sont faibles si l'on compare leur portée ordinaire à l'affliction pour laquelle il n'y a pas d'expression réelle. Pour une âme, être sans le Christ, c'est simplement le paganisme et l'enfer. Pour Marie, pour sa propre mère, être sans le Christ, et pendant la nuit qui suit un tel jour, oh, cette affliction se déroule devant nous dans l'obscurité, comme la mer pendant la nuit, et c'est tout ce que nous savons. Tous ceux qui étaient présents à la sépulture, fléchirent le genou devant le corps sacré, et l'adorèrent profondément. Puis ils s'en arrachèrent à regret, et s'éloignèrent en silence. Joseph, comme saint Matthieu nous le dit, roula une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, et s'en alla aussi. Marie, Jean et Madeleine, retournèrent lentement sur le calvaire. Marie aurait sans doute besoin de repos après l'agonie terrible de ce moment passé au tombeau, mais le repos est encore bien loin de son cœur brisé. Accablée par ce dernier assaut de la souffrance, elle doit encore passer par une cruelle épreuve, avant de parvenir à la maison de Jean, à Jérusalem. Après cela, il y aura un répit à l'angoisse de sa désolation pendant 3 jours, suivant le style de l'écriture, c'est-à-dire depuis le vendredi soir jusqu'à l'aube du dimanche, jusqu'à l'aurore de la résurrection. La croix est gisante dans leur chemin lorsqu'ils traversent le calvaire. On peut encore discerner l'arbre fatal dans l'obscurité, car la lune est maintenant descendue, sa lumière, rasant la terre, éclaire les objets en dessous, mais son disque paraît plus grand et plus plein. Marie s'arrête quelques instants et tombe à genoux pour adorer la croix teinte de sang. Elle baise le bois, partie en signe de réconciliation avec cet instrument de tant de miséricordieuse cruauté, partie par vénération pour l'objet le plus précieux qu'elle put toucher maintenant que le corps qui y avait été attaché était couché dans le tombeau, partie en signe d'adoration et d'amour pour le précieux sang. Lorsqu'elle se leva, ses lèvres étaient empourprées. Terrible sceau d'amour que le Fils avait empreint sur la bouche et sur les joues de sa mère, à l'image de ses propres lèvres, qui étaient comme du muguet distillant la myrrhe franche. Mère, vos joues sont comme l'écorce d'un grenadier, autre ce qui est caché en vous, bouche teinte de sang, organe de cette âme céleste. Combien de choses se sont passées depuis que vous chantiez votre admirable Magnificat. Votre silence est maintenant aussi éloquent devant Dieu que votre cantique d'alors. Elle s'éloigne de la croix. Au-dessous d'elle est la cité coupable, indistincte et grossie par les vapeurs, avec ses quelques lumières qui scintillent, et les sons brisés et irréguliers de la nuit, s'élevant dans les airs. Il n'y avait nul reproche sur ses lèvres, nul reproche dans ses yeux. Elle embrassait tout d'un seul coup d'œil, depuis le temple majestueux jusqu'aux portes extérieures. Elle voyait l'armée de Titus assiéger les murs, et les mères égorger leurs enfants pour se nourrir de leur chair. Elle voyait l'antique prédilection de Dieu se retirer de son ancienne Sion, comme un nuage doré suit le soleil sous l'horizon après son coucher. Elle gémissait donc sur Jérusalem. Une semaine ne s'était pas écoulée depuis que celui qu'elle venait d'ensevelir s'était arrêté pour verser des larmes de tendresse et d'amour affligées sur cette cité choisie du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Depuis lors, comment cette cité avait-elle fait pénitence? Hélas, elle avait crucifié celui qui l'avait pleuré, Celui que, dans la pureté de leur cœur, les jeunes enfants de Jérusalem avaient salué par leurs hosannas. Malheureuse Jérusalem! Marie savait qu'elle était condamnée, mais dans son cœur brisé, il y avait de la place pour la cité coupable aussi bien que pour le fils immolé. Encore aujourd'hui, un nuage de souvenirs historiques plane au-dessus des sanctuaires désolés de la ville déchue, et l'entrée que fit Marie cette nuit la même est, après les larmes de Jésus, au nombre des annales les plus touchantes de Jérusalem. Nul endroit sur la terre n'est si cher au cœur du fidèle que cette cité à demi ensevelie dans ses ruines, cette cité qu'il doit voir assurément au jour du grand rendez-vous de son Sauveur. Quand la victime viendra juger les tribus humaines dans la vallée de Josepha, presque au lieu de son immolation. Marie entra, cette nuit-là, par la même porte par laquelle elle était sortie le matin. Comme on compte le temps, 10 heures s'étaient écoulées depuis lors, mais dans les desseins de Dieu, dans les annales de la grâce, dans les chroniques de ce cœur brisé, c'était une longue époque séculaire. Plus longue que les années qui s'étaient écoulées depuis le jour d'Abraham. C'était ce vendredi que nous nommons saint, en partie pour voiler l'action coupable qu'il a renfermée, en partie parce que de cette injustice résulte pour nous une miséricorde infinie. Pour comprendre l'agonie que notre Sainte Mère eut alors à souffrir, il faut que nous considérions plusieurs circonstances. Son âme était trop rassasiée d'amertume pour qu'elle pût éprouver sensiblement la souffrance de la faim, qu'elle n'avait pas ressentie durant les 3 jours d'absence. Mais son long jeûne agissait cruellement sur ses forces. Aucune nourriture n'avait passé par ses lèvres depuis le jour précédent. Le sommeil n'avait pas visité ses paupières le jeudi soir, et il n'y avait guère à espérer qu'elle pût dormir maintenant que Jésus était couché dans le tombeau. En outre, les 24 heures précédentes avaient été remplies par les événements les plus étonnants, par des mystères inouïs se succédant avec une rapidité qui ne permet presque pas de les distinguer les uns des autres. Pendant tout ce temps, son âme avait été soumise à la plus cruelle torture. Son âme, toute sereine et toute vaste qu'elle était, avait été tendue et fatiguée sans relâche par la compréhension même de ce qui se passait autour d'elle. Son être avait été ébranlé par la terreur jusque dans son centre. Elle était épuisée par la fatigue corporelle, pour être restée debout pendant tant d'heures. L'intensité même de son adoration soutenue avait miné sa vie. Le moment indescriptible qu'elle avait passé au tombeau avait été à la fois une éclipse et un tremblement de terre dans son âme. Maintenant, tourmentée par la faim et la soif, les pieds blessés, les yeux enflammés par l'éveil, les membres accablés de fatigue, l'esprit consumé de souvenirs et de réflexions plus terribles encore, le cœur brisé et désolé, véritable débris qu'une tempête de mots surnaturels n'avait pu engloutir, Marie entre, à la porte de Jérusalem, dans une nouvelle série des douleurs les plus cruelles et les plus déchirantes. Marie recommence le pèlerinage du matin, et fait les stations de la croix depuis la dernière jusqu'à la première, au lieu de les faire de la première à la dernière. Elle traverse à pas lents les scènes intolérables du matin, pas un geste n'avait échappé, ce soir-là, à la mémoire fidèle de Marie, de même qu'aucun n'avait auparavant échappé à son œil vigilant. Elle entendait, sur le vent de la nuit, les faibles et légers soupirs de Jésus. Son beau visage défiguré lui apparaissait à travers les ténèbres. C'est ici qu'il était tombé, et les pieds de Marie brûlaient et tremblaient en se posant sur cet endroit. Elle savait qu'elle foulait le pavé teint du sang de Jésus, quoique la nuit en voilât à ses yeux les traces rougeâtres. Là, Le Cyrénéen avait pris sa croix. Là, Jésus avait dit ses douze paroles, et cependant les paroles de la plus triste condamnation, aux filles de Jérusalem, dont les cœurs de femmes s'étaient attendris à la vue de la cruauté dont il était la victime. Là, il avait empreint de ses très adorables le linge que lui avait apporté Véronique. Là, était le coin de la rue où, elle-même, elle avait rencontré Jésus. Il semblait que des siècles s'étaient écoulés depuis, et, cependant, elle sentait encore le divin regard fixé sur elle, et consumant son âme d'un feu d'amour, vrai tourment pour sa faible mortalité. Là, était la salle des gardes où il avait été couronné, et là le poteau de la flagellation. Ceux qui se trouvaient au pied de ce poteau, Marie le savait, et les ténèbres ne pouvaient le voiler au regard de son âme. Plus loin étaient les degrés de la salle de Pilate, de cette salle du jugement, où Jésus avait été montré avec une pitié dérisoire au peuple en fureur. Malgré le silence, l'air semblait encore tout vibrant de la voix du peuple criant Barabbas. Le sang de Jésus était en vérité maintenant sur eux et sur leurs enfants. Quel pèlerinage pour Marie, et combien son cœur saignait en le faisant. C'est toujours une grande épreuve pour l'amour, de revoir les scènes d'une douleur profonde. C'est toujours là, même quand le temps a fermé la plaie, une peine cruelle à supporter, cruelle quoique notre amour nous excite à la chercher de nous-mêmes. Alors s'épanche, des larmes retenues depuis de longues années. Des hommes vigoureux sanglotent comme de faibles femmes, et ont raison de n'en pas ressentir de confusion. Alors les plaies de leur cœur bandées tant bien que mal par la patience. Se rompent de nouveau, de vieilles sources d'amertume depuis longtemps cachées, et dont on ne soupçonnait plus guère l'existence, s'ouvre violemment un passage, coule et inonde l'âme de fiel. Tout cela arrive quand l'habitude a émoussé le tranchant de la douleur, de sorte que les blessures que nous en recevons ne peuvent être aussi profondes, ni aussi douloureuses qu'elles l'eussent été auparavant. Mais qu'est tout cela comparé au retour de Marie dans le chemin de la croix? L'horreur particulière des mystères, la violence incomparable de l'angoisse, le cœur brisé, écarté de celle qui souffre, sa fatigue extrême de corps, sa lassitude accablante, et enfin la vivacité de souvenirs si récents, portent cette douleur bien loin au-delà des limites de toute comparaison. Tel était l'état pitoyable dans lequel les rues de Jérusalem virent cette nuit-là leur reine inconnue se diriger péniblement vers la maison de Jean. C'était la demeure qu'elle avait reçue en échange de la maison de Nazareth. Jean est maintenant son fils au lieu de Jésus. Il est l'homme et Marie la femme. Mais il faut qu'il s'appuie sur elle, et non elle sur lui. Lui qui la nuit dernière reposait sa tête fatiguée sur le sacré cœur de Jésus, il faut maintenant, en esprit du moins, qu'il trouve son repos sur le cœur immaculé de la mère affligée. La porte se referme sur elle. Elle est maintenant chez elle, elle a un asile. Un asile, ce mot n'a-t-il pas une dérision? C'est un asile. Moins que le premier couvert qui se trouve sur le passage de la biche blessée. Comment pouvait-elle avoir un asile, si ce n'est là où était Jésus? Bethléem avait été pour elle un asile, comme aussi la lointaine et étrangère Héliopolis, et la cité retirée de Nazareth, et le sommet découvert du calvaire, et l'intérieur du tombeau du jardin. C'était des asiles, parce que, partout où il était, Jésus faisait pour elle un asile. C'était lorsqu'elle avait quitté le tombeau qu'elle avait réellement commencé à se sentir sans asile. Le premier pas qu'elle avait fait hors de ce second Éden avait été le commencement de son exil, et la demeure de Jean, elle aussi ne renfermait-elle rien qui pût réveiller des souvenirs pénibles, assombrir l'âme, et peser trop pour un cœur brisé? Qui ne sait que, dans l'excès de l'affliction, l'œil et l'esprit s'occupent, d'une manière distraite, des moindres détails du lieu où nous sommes. L'ameublement, sa disposition, les tableaux qui sont suspendus au mur, le dessin du tapis, les plis réguliers des rideaux, les lignes qui traversent le plafond, les moulures de la corniche, de petits objets irréguliers, mis de travers ou hors de leur place, tout cela grave son image en très ineffaçable dans nos âmes, et chaque détail peut, dans la suite, devenir une occasion de sombre rapprochement, une source intarissable de larmes. Il en était ainsi pour Marie. Dans cette chambre, elle avait passé les 3 heures de l'agonie, et bien qu'en ce temps, son esprit eût été tout à fait à Gethsémanie. La seule vue de l'appartement lui rappelait toute la scène dans son intolérable vérité. De cette chambre, elle était partie avec Jean et Madeleine pour tâcher d'obtenir accès dans la maison du grand prêtre. C'est dans cette chambre qu'elle était revenue, lorsque Jésus avait été jeté en prison pour la nuit. Dans cette chambre, elle avait passé une veille telle que n'eût pu le faire aucune autre mère, sans perdre, soit la raison, soit la vie. Et maintenant, elle y était revenue, la plus abandonnée, la plus désolée des créatures innombrables de notre Père Céleste, et tout cela, parce qu'elle était la plus proche de lui, et celle qu'il aimait le plus. Là, avec Jean et Madeleine, dont la compagnie silencieuse assombrissait encore sa solitude complète, elle resta pendant plus de 24 heures. Pendant ce temps, son affliction resta à sa hauteur d'une manière surnaturelle, parce que l'habitude, le temps, le calme n'y pouvaient rien. Nul, si ce n'est Dieu, ne pouvait la soulager, et son temps n'était pas encore venu. En réalité, cette affliction grandit plutôt que de rester stationnaire ou de diminuer. Comme toutes les œuvres divines, les dimensions de cette affliction étaient dans une proportion si admirable, qu'elle n'étonne point le regard et que l'immensité ne s'en révèle qu'à l'œil de l'expérience. La tempête aussi s'étendait et se grossissait dans son âme, sans éclair ni bruit, cependant, c'était une tempête véritable et terrible, produisant d'une manière invisible des éclairs au centre même de sa tranquillité inébranlable, une tempête renfermée, mais accompagnée d'une peine et d'une désolation excessive. Elle soutenait la vivacité, l'énergie et la vitalité de la souffrance de Marie, afin de pouvoir pénétrer plus profondément dans chaque partie de son être. Cette tempête s'établissait dans les profondeurs de l'âme de Marie, y remplissant tout le vide, transformant et absorbant tout. De sorte que la foi de Marie, son amour et même son espérance étaient une agonie. Chaque faculté de son esprit était à la torture, sa raison souffrait profondément. L'exercice de son imagination était accompagné de la souffrance la plus aiguë. Sa mémoire se pressait dans les avenues de chacun de ses sens, en les remplissant de feu, d'amertume et de terreur. Sa volonté, chargée de toutes ces douleurs mystérieuses, était comme attachée à la roue, sous l'action de la tension la plus cruelle, cependant, toujours calme et courageuse, sans proférer aucun cri, sans laisser aucun signe d'angoisse passer sur ses traits, mais paisible et passive, elle demeurait tout en Dieu. Il n'est pas non plus impossible que l'abandonnement divin et extérieur auquel Marie était soumise ait eu sa terrible contrepartie intérieure, comme cela avait eu lieu durant les 3 jours d'absence, dont cette 7e douleur étant bien des points la contrepartie. C'est une complète possession de douleur, la transfiguration d'une vie humaine, plus grande et plus puissante que les autres, devenant la personnification vivante d'une douleur inexprimable. Tel était le mystère de la 7e douleur, ou plutôt de quelques traits de cette douleur, qui laisse apercevoir le secret du cœur de Marie, et qui sont à la portée de notre vue limitée. Si le récit en a été difficile à faire, il est encore plus difficile d'en préciser les particularités. La plus grande particularité de cette douleur consistait en ce qu'elle était la dernière. Cela dit beaucoup. Personne n'a manqué de remarquer que les douleurs de la Sainte Vierge sont un système divin. Un monde gouverné par des lois dont nous n'avons qu'une intelligence très partielle. Nous les avons déjà classées d'après différents principes, et il semble que par là nous ayons obtenu quelques lumières. Néanmoins, la vue que nous en avons n'est nullement complète. Peut-être ne peut-elle l'être. Nous sentons comme par instinct ou par divination qu'il y a dans ces douleurs une unité que nous n'avons pu saisir, et qu'elles ne forment qu'un tout, de la même manière que la passion est une, quoique son système d'unité soit au-delà de notre portée. Dans ces régions obscures, il y a ça et là, d'assez vives lumières, mais ces lumières nous prouvent seulement que nous ne voyons pas le tout. Comme dans une scène de la nature éclairée par la lune, tout y est varié d'une manière fantastique, les ombres et les objets s'y confondent, les hauteurs et les distances y sont trompeuses. Une clarté douteuse donne l'apparence d'un rêve même aux objets les plus réels et les plus reconnaissables. Les afflictions de Marie étaient, sans nul doute, une œuvre divine tout à fait spéciale, car l'Église ne nous laisse aucune incertitude à cet égard. Or, la fin d'une œuvre divine doit être digne de son commencement, être conséquente avec lui, et, pour ainsi dire, être pour lui une couronne de grandeur. Ainsi, il faut que la 7e douleur, quelle que soit sa nature particulière, soit une consommation proportionnée et conséquente des autres douleurs. Nous avons vu ce qu'était celle-ci, que doit donc avoir été la dernière? De cela, il résulte encore que la 7e douleur était une affliction sans nom, et telle qu'on ne peut la classer comme appartenant à la famille d'aucune autre affliction connue. À elle seule, elle forme une classe. Si nous lui donnions un nom, ce serait un nom arbitraire, car nous n'avons rien de semblable ni d'analogue pour nous guider en cela. Les points nombreux de ressemblance que nous pouvons remarquer entre la 7e et la 3e douleur suffisent pour nous convaincre que la dernière douleur de Marie doit avoir été incomparable. Nous ne pouvons dire à quoi ressemble la souffrance quand le cœur a dépassé le point compatible avec la vie, et que la victime reste vivante, non point grâce à des adoucissements ou à des consolations qui rendraient la peine moins grande ou plus tolérable, mais par l'action extérieure d'un pouvoir simplement miraculeux. C'est là ce que nous avons vu, même dans les premières affections de Marie. Maintenant, de la même manière, nous ne pouvons dire ce qu'est l'affliction quand elle a outrepassé toute expérience des hommes et atteint au terme solitaire que la douleur ne peut dépasser. Toute possibilité est finie, par conséquent la possibilité de l'affliction l'est aussi. Celui-là seul est infini, qui n'est pas une possibilité, mais un simple acte éternel. Mais que pouvons-nous connaître des régions les plus reculées de l'affliction possible? Nous pouvons seulement savoir que la Mère de Dieu a été jusque-là, et qu'elle en était à ce point lorsqu'elle se prosternait pour faire sa dernière adoration au corps dans le tombeau. Nous l'appelons la 7e douleur, et nous ne pouvons lui donner d'autres noms. Autant que notre intelligence nous permet de comprendre, la troisième douleur de Marie fut sa plus grande douleur. Mais sa septième douleur dépasse notre intelligence, à la fois en nature et en mesure, et par conséquent fut la plus grande dans un autre sens. Les circonstances qui formèrent la substance de cette douleur ne trouvent point d'objet de comparaison sur la terre. Elles ne sont arrivées qu'une seule fois, et, abandonnée à elle-même, la science de l'ange le plus éclairé n'aurait jamais rêvé que de telles choses puissent arriver dans le sein de l'univers de Dieu, tout rempli qu'il est de merveilles imprévues. Le cœur de Marie aussi était un instrument qui n'avait rien de semblable sur la terre, pas même le Sacré-Cœur que son union avec la personne divine mit toujours au-dessus de toute comparaison, et qui, pour le moment, se trouvait froid et inanimé dans le tombeau. L'état de Marie, au terme de ce vaste système de douleurs qu'elle avait traversé, n'avait non plus rien à quoi on pût le comparer, sous le rapport de la sainteté, des facultés de souffrir ni de la conservation miraculeuse de sa vie brisée. Ainsi, tout, dans cette douleur, est sans objet de comparaison. Nous ne pouvons que nous représenter quelque immensité de douleur sans nom, et dire que ce fut la septième douleur qu'endura notre mère. Une autre particularité de cette douleur, liée d'une manière immédiate avec ce qui a été dit auparavant, c'est qu'elle était placée au-delà de toute consolation. C'est elle à ce qui en tenait les vagues amères et orageuses suspendues dans les airs en dépit des lois de la nature, durant ces 24 heures passées dans la maison de Jean. Cette douleur ne pouvait être calmée. C'était un flux qui ne pouvait se retirer de lui-même et qui était au-dessus des lois auxquelles sont soumises les afflictions ordinaires. Cette douleur restait étrangère aux créatures, et, par conséquent, les créatures ne pouvaient y apporter de consolation. La cinquième douleur était encore du ressort de la cruauté des hommes et de la rage des démons, ils purent aller jusqu'à la mort sur la croix. Dans la sixième, on ne voit plus guère, comparativement parlant, qu'un faible reste d'action humaine. Il n'y en a presque plus que le reflet et la peinture. Mais ces traces sont évanouies avant la septième douleur et n'arrivent point en face du tombeau. L'affliction de cette dernière douleur, comme celle de la troisième, était toute divine. Nous pouvons nous former une idée des proportions d'une affliction qui venait expressément de Dieu, et, de lui à une créature telle que Marie en la comparant aux afflictions que les hommes ou les démons peuvent infliger. Mais ici encore nous ignorons ce que c'est que d'être au-delà de la portée des consolations humaines. On nous dit, avec la flatterie ordinaire de la consolation, ou en essayant un pieux jargon, que nos chagrins sont au-dessus de toute consolation humaine. Mais il n'en est pas réellement ainsi. Le temps nous console inévitablement, quoiqu'il puisse être lent dans son œuvre. La bonté nous console, même en nous irritant. La vie nous console par l'importunité même de ses distractions, mais Marie ne pouvait même recevoir de semblables consolations. Elle était au-dessus des consolations, non seulement de la grâce commune, mais encore de cette grâce prodigieuse qu'elle avait elle-même rapportée du sommet du calvaire. À quoi ressemble une créature qui est de la déconsolation de la nature et d'une grâce incomparable, et que Dieu lui-même peut seul consoler par une union immédiate avec lui? Nous pensons à ceux qui sont sur les sombres confins de l'univers, dans un éternel exil loin de leur père. Oh quelle misère que leur indestructible vie! Toutefois, là, le vaste nuage d'une justice irresponsable répand sur la solitude sans fin de leur peine une sorte d'ombre qui la rend plus tolérable, en leur faisant sentir, malgré l'obscurcissement de leurs esprits, combien leur état est manifestement raisonnable. Mais Marie était au-delà de toute consolation, même lorsqu'elle méritait de ressentir les effets de la douceur divine, mieux que tous les anges et tous les saints réunis. De sorte que, pour des mots de ce genre, elle ne peut non plus être mise en parallèle, même avec ceux qui sont perdus. En outre, si nous osons parler ainsi, l'amour est, dans un certain genre, un agent plus énergique que la justice. Ainsi, il y a un sens dans lequel une désolation sans remède, préparée par l'amour éternel pour infliger la souffrance, doit être une chose plus pénétrante et plus accablante qu'une désolation sans remède préparée par la justice éternelle pour le châtiment du péché. Bien plus, le sang de Jésus calme quelque peu la violence des flammes de l'enfer, tandis que c'était ce sang lui-même qui allumait les flammes dans le cœur de Marie, et qui rendait la fournaise de son cœur 10 fois plus brûlante qu'elle ne l'était auparavant. De sorte que, même la désolation des réprouvés ne peut, dans son excès, se comparer à cette affliction mystique et sans remède qui était la dernière épreuve de Dieu dans le cœur de sa mère. Il semble que lui-même n'eut plus d'autres épreuves pour établir une sainteté inexprimable.